Lorsque Crevel eut allumé les candélabres dans le boudoir, le baron fut tout étonné du luxe intelligent et coquet déployé là. L'ancien parfumeur avait donné carte blanche à Grindot, et le vieil architecte s'était distingué par une création du genre Pompadour, qui, d'ailleurs, coûtait 60 000 francs. « Je veux, avait dit Crevel à Grindot, qu'une duchesse entrant là soit surprise. » Il avait voulu le plus bel Éden parisien pour y posséder son Ève, sa femme du monde, sa Valérie, sa duchesse. « Il y a deux lits, dit Crevel à Hulot en montrant un divan d'où l'on tirait un lit comme on tire le tiroir d'une commode. « En voici un, l'autre est dans la chambre. Ainsi, nous pouvons passer ici la nuit tous les deux. » « Les preuves !» dit le baron. Crevel prit un bougeoir et mena son ami dans la chambre à coucher, où, sur une causeuse, Hulot vit une robe de chambre magnifique appartenant à Valérie et qu'elle avait portée rue Vanneau pour s'en faire honneur avant de l'employer à la petite maison Crevel. Le maire fit jouer le secret d'un joli petit meuble, en marqueterie appelé « Bonheur du jour », y fouilla, saisit une lettre et la tendit au baron. « Tiens, lis !» Le conseiller d'État lut ce petit billet écrit au crayon. « Je t'ai vainement attendu, vieux rat. Une femme comme moi n'attend jamais un ancien parfumeur. Il n'y avait ni dîner commandé, ni cigarette. Tu me payeras tout cela. »